Je m'appelle Inans B. Mohamed Minita. Long live to the queen, yeah. Bolingwa solo est à la Cali sous-outé. Et comme Ika Bolingwa enterré. Je voulais celle avec qui chiller. Celle qui me mettra à l'aise. Mais elle voulait celui qui va sponsoriser. Qui payera pour toutes ses dépenses. Gaïawa Nassamboué.